Chapitre 20e, une perdrix humaine. En retournant vers Oran, les deux amoureux sont occupés par leurs respectives pensées. Karim conduit sa voiture à vitesse modérée, tandis que Zahra contemple le paysage devant elle. Le soleil, désormais proche de l'horizon, teinte la végétation et le ciel d'une douce couleur dorée. Zahra note un groupe d'oiseaux. Ils tournoient dans le ciel, en effectuant régulièrement un cercle, puis une forme de chiffre 8. Leur mouvement semble un ballet collectif, certainement leur gymnastique quotidienne, pour maintenir en forme leur corps et leurs ailes. Ah, combien j'aurais désiré être l'un de ces oiseaux, et me balader ainsi dans l'air, sans rien d'autre que le plaisir de voler librement. Quelques secondes après, elle ajoute. Mais pas seule, avec Karim à mon côté. C'est touchant de penser ainsi Zahra à le regarder. Avec discrétion, elle le contemple pendant qu'il conduit, le visage paisible, le regard devant lui. Se sentant observé, Karim se tourne vers Zahra avec un charmant sourire, puis il regarde de nouveau la route. Stimulé par une impulsion impérieuse, Zahra lui demande avec une sincérité émue « Que trouves-tu en moi d'intéressant ?» Karim est d'abord étonné par la question. Il réfléchit à toute vitesse. C'est que la demande est d'une importance fondamentale, décisive. Il exige une réponse tout aussi fondamentale et décisive. Alors, que dire? Un sourire éclaire son visage. « Tu ne le sais donc pas » répond-il d'un ton affectueux. « Je te le demande !» réplique Zahra d'un ton où personne n'a mes regrets. « Parce que moi, je ne trouve rien d'intéressant en moi. »« Je trouve intéressant en toi, » explique-t-il, « ce que je devine comme souffrance endurée et comme courage pour les affronter. »« Ah !» dit Zahra, surprise et réconfortée par la réponse. Jamais je n'ai imaginé quelqu'un, ni homme ni femme, me donner une telle réponse. Oh, reprend Karim. Ceci étant dit, et considéré comme étant le plus important chez toi, je dois confesser également un autre aspect. Il cherche les mots adéquats. Quelque chose l'arrête, une sorte de pudeur, d'embarras, ou les deux à la fois. Oui, l'encourage Zahra. Eh bien, pour être totalement sincère, je trouve également intéressant, quoique cela soit secondaire, ce dont la nature t'a fait cadeau. Un bel aspect physique. Les joues de Zahra s'empourprent soudain. Elle se ressaisit. Je te suis infiniment reconnaissante de considérer ce fait secondaire. Je n'y ai aucun mérite. Seul le hasard de la nature en est responsable. Et cela n'est pas toujours une bonne chose, car les femmes en sont jalouses, et les hommes ne voient que cet aspect extérieur. Oui, c'est vrai, admet Karim. Toutefois, la beauté vaut mieux que la laideur en toute chose. Par exemple, à la vue d'une personne physiquement disgracieuse, outre la compassion pour cet handicap, je trouve en cela une négation de... Il se tait, déconcerté. Zahra attend qu'il reprenne à parler. Devant son silence, elle demande avec gentillesse. « Pourquoi t'es-tu interrompu ?»« Parce que la suite pourrait heurter ta sensibilité, plus exactement ta foi. » »« Pour construire une belle relation entre nous, Karim, tout doit être dit. Et en cas de problème, en parler calmement, sincèrement, jusqu'à l'éclairer et parvenir à un accord. » Encouragé par cette proposition, Karim avoue. Ce que tu viens de dire me tranquillise beaucoup, beaucoup. Aussi, j'ajoute ceci. Je te prie de toujours croire que mes intentions, mes paroles et mes actions n'ont qu'un seul but, autant que possible, être heureux et rendre heureux les personnes. Cela ne signifie pas que tout ce que je dis est acceptable. Aussi, je suis toujours prêt à voir contester mes déclarations et mes actes. C'est ainsi que je peux m'améliorer. Je serai donc très reconnaissant à toute personne qui m'indiquerait mes éventuelles erreurs. À mon tour, reconnaît Zahra, de te dire combien je suis heureuse d'entendre ce que tu viens de dire. C'est la première fois de ma vie que j'entends de telles paroles. Soupire-t-elle avec plaisir. Avec toi, j'ai l'impression de faire un merveilleux rêve. Elle ajoute. Alors, s'il te plaît, complète ce que tu voulais me dire. Soulagé et plus à l'aise, il confie. Eh bien, quand je vois une personne dont l'aspect physique est disgracieux, ce fait conteste ma foi en l'existence de Dieu. En effet, comment un Dieu généreux peut-il permettre la naissance d'un être humain si imparfait dans son corps, en sachant naturellement que cet handicapé physique en souffrira, notamment du cruel dédain et de l'humiliant mépris dont il sera victime de la part des autres? Zahra ne sait quoi répondre. Toutefois, elle apprécie profondément cette sensibilité de son ami vis-à-vis de la souffrance humaine. Elle déclare « Oh, ce que tu dis ne me choque pas. Moi aussi, il m'est arrivé plus d'une fois, en constatant des malformations physiques chez les personnes, d'y voir une contradiction avec ce qu'on appelle la bonté de Dieu. » le regard toujours vers la route, car il me raconte, d'une voix très mélancolique. J'ai eu une cousine, née le même jour que moi. À peine venue au monde, déjà bébé, ses jambes étaient tordues et ses yeux louchaient fort. Durant toute mon enfance, j'ai souffert de voir cette cousine se déambuler de manière si douloureuse, sans parler de ses yeux très myopes. Comble d'ironie, ses parents lui avaient donné à sa naissance un hijla, perdrix. Cette infortunée fillette non seulement n'avait pas d'ailes pour voler, mais pas même de jambes pour marcher, ni des yeux pour voir correctement. Les autres cousins et cousines l'affublèrent de ces misérables mots « al-wala » et « al-e-aouja », la loucheuse et la tordue. J'ai toujours cruellement enduré de voir la scandaleuse et inique situation de cette cousine. Ses handicaps, supportés avec une infinie patience et une douceur incroyable, augmentaient mon affection pour cette cousine, parallèlement à ma douloureuse interrogation concernant la prétendue bonté de Dieu. Karim se tourne vers Zahra avec une expression préoccupée. « Tu comprends ce que j'ai ressenti ?» lui demande-t-il. « Oh oui, » répond-elle. « Pour ma part, j'ai souffert du contraire. Les gens ne voyaient en moi que l'aspect agréable de mon corps et rien d'autre, comme si j'avais un cerveau handicapé. Je n'étais qu'une marchandise, un objet de convoitise pour les hommes et de jalousie pour les femmes. Un véritable enfer pour moi, une très pénible humiliation. Tellement de fois j'ai voulu m'en aller dire afin d'éviter ce tourment. » Dans ton cas, réplique Karim, toute la faute en incombe à l'idiotie des gens. Mais au sujet de ma cousine, Al-Hajla, qui est responsable de ses déformations physiques, l'imperfection de la nature? Oui, si l'on est athée, mais si l'on croit en Dieu et en sa bonté, alors quoi penser? La poitrine de Zahra est soulevée par un profond et amer soupir. Il manifeste sa profonde perplexité devant ce que la vie biologique et la société contiennent d'aspects iniques, douloureux et inacceptables.